grand-père. C'est Oli. O-L-I. La Bibli des petits. Je suis pas petit. Je suis grand. Bonjour, je suis Cécile Coulon et je vais vous raconter l'histoire de l'otarie tarée. Il était une fois Rosalie, une otarie, bien grasse, bien dodue, qui vivait dans un zoo. Chaque jour, à 1h de l'après-midi, Rosalie et ses amis otaries donnaient un spectacle dans leur bassin pour les visiteurs. Des centaines de personnes attendaient pour les regarder. Les enfants adoraient Rosalie. Elle était la plus drôle et la plus jolie. Mais voilà, Rosalie n'avait qu'une envie, prendre un bain. Et pas n'importe quel bain, un vrai. Pas dans un bassin, pas dans un zoo. Non, un bain de luxe, un bain dans la mer. On lui avait parlé de la mer. On lui avait dit que c'était là que naissaient les otaries, que l'eau était salée et froide. Mais l'été, on pouvait se rouler sur le sable, et le sable dans le zoo, il n'y en avait pas. La mer se trouvait à 2 kilomètres de son bassin. Impossible pour une otarie domestique de s'y rendre. Et pourquoi faire? Quand Rosalie en parlait, à la fin de la journée, toutes les autres otaries lui disaient « Mais enfin, tu es complètement tarée! Si on s'enfuit vers la mer, on n'aura plus de poissons 3 fois par jour. Il faudra qu'on chasse sous l'eau nous-mêmes. On est tellement mieux ici. » C'était vrai. Au zoo, Donatien, le gardien, leur servait du poisson frais chaque matin. C'était si bon, si doux, si simple. Mais Rosalie continuait d'y penser. Prendre un bain de mer, un vrai, avec le soleil qui tape sur le gras du ventre, sur les moustaches et sur le bout du nez. Mais comment sortir du zoo? Avec son gros nombril bombé, sur quoi Rosalie pouvait-elle glisser pour arriver jusqu'à la mer? Elle y pensait chaque jour, et chaque jour les autres otaries lui disaient « Arrête un peu, tu es complètement tarée !» Un soir, prise de désespoir, Rosalie se mit à pleurer. Son collègue, Hubert l'éléphant de mer, vint la voir. Elle sanglotait si fort qu'il dut approcher son gros corps pour l'entendre murmurer « Hubert, je veux juste prendre un bain de mer !»« Oh, je me souviens de ce que c'était la mer !» s'écria Hubert. « Pour l'atteindre depuis le zoo, il faut glisser sur le ventre. Mais pour glisser du zoo jusqu'à la mer, il faut glisser sur le ventre et sur l'eau. Rosalie, une idée me vient. Demain, nous ferons la danse de la pluie. Gros comme nous sommes, il va pleuvoir plus que d'ordinaire et nous n'aurons plus qu'à nous laisser porter du bassin jusqu'à la mer. Tu crois que ça marchera ? Dit Rosalie. Tu crois que les grilles du zoo resteront ouvertes ? Mais oui ! Il va tellement pleuvoir que les chemins entre les cages des animaux deviendront des petites rivières. Les humains ont si peur de l'eau qu'ils vont fuir et nous n'aurons plus qu'à glisser jusqu'à la mer. Le lendemain, au moment du spectacle habituel, Rosalie l'otarie regarde Hubert qui arrive, tout gros, tout mou, jusqu'au bord du bassin. Est-ce que tout le monde est prêt ? Oui ! Au lieu d'aller dans l'eau, devant les spectateurs, il se met à gigoter. Il fait rouler son museau. Et Rosalie fait pareil. Ils dansent ensemble. Les autres otaries ne comprennent rien. Elle lui crie « Rosalie, tu es complètement tarée !» Mais Rosalie s'en fiche. Elle continue de suivre les mouvements d'Hubert, l'éléphant de mer. Et tout à coup, il applaudit des nageoires. Alors tous les spectateurs, ravis de voir ces deux-là, se mettent à faire pareil. La danse de la pluie continue. Rosalie, Hubert et tout leur fan club applaudissent. Alors, on l'entend qui s'amène. Le tonnerre, enfin. La pluie. Les autres otaries se réfugient dans leur cabane pendant que les humains s'en vont en ouvrant leur parapluie. Tout le monde est parti. Courageux, Hubert l'éléphant de mer et Rosalie l'otarie filent par la porte du bassin restée entrouverte. Dans l'allée principale, ils se lancent sur leur gros ventre et les voilà qui glissent à toute vitesse. La petite rivière formée par la pluie les emporte en dehors du zoo. Pour la première fois, Rosalie est dans la rue. Les marchands, ahuris, regardent les deux compères en criant « Ils sont tarés, mais ils sont super !» Hubert dit bonjour à tout le monde en agitant sa nageoire. En moins de 5 minutes, ils arrivent, tout gras, tout glissant, au bord de la mer. La rivière se jette dans l'eau. Rosalie et Hubert font un vol plané, comme des danseurs dans l'air, et ils atterrissent dans l'eau. Enfin, Rosalie peut prendre un vrai bain de mer. Hubert est si fier de leur aventure qu'il pleure des larmes de crocodile. Peu à peu, la pluie cesse. Le soleil revient. La rivière dans les rues disparaît. Rosalie, tout d'un coup, se souvient qu'il faudra peut-être rentrer. Elle demande à Hubert « Pour revenir aux eaux, comment allons-nous faire ?» Hubert répond « Pourquoi revenir en arrière ? Là-bas, nous avions le bassin. Ici, nous avons rien que pour nous, toute la mer. » Rosalie pense aux autres otaries qui disaient tous les matins « Tu es taré, cher otari !» Elles ne lui manqueront pas. Et puis, elle n'avait jamais imaginé qu'un petit bain de mer puisse durer toute la vie. Alors, avec Hubert, ils roulent sous la surface de l'eau et s'en vont visiter les vagues de la mer et peut-être même celles de l'océan. Voilà, l'histoire est finie. Et maintenant, au lit. Tu as aimé ce conte ? Sais-tu que tu peux déjà retrouver en librairie 4 histoires de la collection Oli France Inter dans de beaux albums illustrés ?